Vous écoutez Chérie m'écoute-tu? Sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Bienvenue à cette émission musicale qui aura lieu aujourd'hui pour les deux prochaines heures. Sophie Laforêt au micro avec vous pour une émission comme à l'habitude qui sera composée entre autres de nouveautés. On va parler aussi des sorties CD intéressantes de la semaine et de découvertes donc, que j'ai fait durant la semaine dernière. Et aujourd'hui, on accueille en studio Rémi Francoeur qui va être là aujourd'hui pour faire des chroniques culturelles, donc pour agrémenter l'émission de suggestions. Bonjour Rémi. Alors... On va reprendre, je suis jamais habituée. Bonjour, Rémi. Bonjour. Ah, j'ai ajusté ton son, ça va mieux comme ça. Donc, en commençant peut-être pour te présenter, nous dire qu'est-ce qui t'a intéressé à faire des chroniques culturelles? Ben, en fait, j'ai toujours aimé sortir à Trois-Rivières. Je suis trifluvien moi-même, puis rapidement, je me suis rendu compte qu'à Trois-Rivières, c'était difficile de savoir où aller, quoi faire si on n'est pas au courant de tout ça. On peut ouvrir les journaux, ouvrir la télévision. Mais je me suis dit qu'on pouvait aussi ouvrir la radio, savoir qu'est-ce qu'il y avait à faire à Trois-Rivières. Puis j'avais envie de venir prêter mes lèvres sur le bord d'un micro pour savoir quoi dire, puis aussi quoi faire, puis où aller, où sortir à Trois-Rivières. Donc j'ai commencé à vérifier toujours et je suis toujours un peu au courant des sorties, des événements, des pièces de théâtre, des films, des spectacles musicaux ou peu importe qu'ils ont en région. Alors je vais tenter de vous en parler un peu aujourd'hui. Excellent. Puis justement, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton implication culturelle à toi, à Trois-Rivières? En fait, je fais de l'improvisation depuis un bout de temps. Je fais du théâtre, j'ai fait du cirque, la jonglerie, je me suis amusé un peu partout. Je me suis d'ailleurs occupé de la Ligue d'impro d'université à Trois-Rivières pendant un bon bout de temps. Et je fais du théâtre présentement avec le Théâtre des gens de la place et plein d'autres choses. Mais vous êtes en représentation cette semaine, si je ne me trompe pas. Oui, d'ailleurs, je voulais en parler. Le Théâtre des gens de la place accueille à la Maison de la culture Le spectacle de Jacques et son maître, mis en scène par Eric Ahern. Donc, ce sera le 12... Là, je me trompe parce que je ne connais plus mes dates. 11, 12, 13 février. Donc, jeudi, vendredi, samedi cette semaine. Et jeudi, vendredi, samedi la semaine prochaine, 18, 19 et 20 février, à 20h, la salle Anis à l'Art Rousseau, de la Maison de la culture. Donc, tu auras la chance peut-être d'en parler plus longuement tout à l'heure. J'imagine que ça faisait partie de ce que tu voulais parler. Je t'ai devancé un peu. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, on va aller entendre un premier bloc musical. Puis, Rémi aura la chance de nous reparler un peu plus tard dans l'émission. On va l'entendre trois nouveautés. Donc, la formation de Radio Depth, une formation suédoise. Ensuite, on aura deux autres nouveautés dont je vous parlerai tout de suite après cette écoute qu'on va faire tout de suite à l'émission Chérie m'écoute-tu sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Entendre le duo norvégien Kings of Convenience. Et pour ceux qui connaissent Simon and Garfunkel, on pourrait dire que c'est un peu une revisite, ça se dit pas, mais un peu une... Ça se dit revisite? Une revisite... Ou une visite. Ouais. En tout cas, ils revisitent le genre que faisaient Simon and Garfunkel, c'est ça que je voulais dire. Et donc, c'est un duo norvégien. Ça, c'est une pièce tirée de leur troisième album. La pièce s'appelait Boat Behind. Et l'album qui est paru en 2009, en mai dernier, si je ne me trompe pas, s'appelle Declaration of Independence. Et donc, c'est une formation que j'aime bien. Je les ai découverts parce qu'ils avaient fait des collaborations avec Feist. Je ne sais pas si tu connais, oui. Leslie, de son prénom. Leslie Feist, puis c'était très bien. Et donc, c'est ça, donc un duo norvégien. Et je les ai vus une fois à Montréal dans une petite salle, je pense à la Sala Rosa ou un Green Room. Puis c'était vraiment, vraiment bien, des personnages très, très, très, très sympathiques. Et l'album, donc, j'ai dit Declaration of Independence, mais c'est Of Dependence, donc Dépendance. Et c'est paru en 2009. C'est un album qui n'a pas fait beaucoup de bruit, mais c'est un album qui est calme, justement. C'est folk, c'est assez doux. Peut-être pour ça que ça n'a pas fait de bruit. Avant ça, on avait Owen Paulette, qui était connu sous le nom de Final Fantasy. Il a changé de nom avec son dernier album parce que justement, ça faisait de la confusion avec le jeu vidéo qui s'appelle aussi... Et donc, lui n'avait pas commencé avec l'idée de suivre le jeu vidéo du tout? Non, lui... Ouais, mais je pense que... En fait, j'avais lu dans un article qu'il avait pris ce nom-là parce qu'il aimait le jeu vidéo, mais je pense que là, il s'est rendu compte que ça créait beaucoup de confusion. Tu fais une recherche sur Final Fantasy, le projet musical, mais là, tu as de la misère à filtrer un peu qu'est-ce qui concerne le projet vidéo, puis le projet de jeu vidéo, puis qu'est-ce qui concerne le projet musical. Fait que c'est le premier disque qui a décidé de changer puis de s'appeler par son prénom, finalement, Owen Paulette. Puis on s'est rendu compte, mon collègue Mathieu Plante et moi, que sur son dernier album, sur la pochette, probablement qu'à la radio, on a reçu une première impression du disque, mais c'est encore écrit Final Fantasy sur la pochette. Probablement qu'il a décidé, là, entre-temps, on trouvait ça drôle qu'il ait décidé... Donc, il est écrit Final Fantasy sur la pochette, mais l'album... s'appelle Owen Paulette, en fait. Mais on ne sait pas s'il a décidé de changer de nom une fois que l'impression était déjà lancée, puis que finalement, il a arrêté l'impression, il a mis Owen Paulette. En tout cas, c'est compliqué. Mais peut-être qu'en fait, le titre de son album était Owen Paulette et qu'il s'appelait encore Final Fantasy, mais c'était comme une déclaration de son vrai prénom. Ouais, mais son album s'appelle Heartland. Ah, donc ça ne fonctionne pas. Non, puis il est paru le 18 janvier dernier, donc tout frais et tout chaud encore. La pièce qu'on a entendue s'appelait Lewis Takes... Là, je cherche un peu. J'ai eu un problème, là. C'est ça que je disais à Rémi. J'ai eu un problème de clé USB. Je vous avais préparé plein d'informations, puis là, ça n'aura pas lieu. Donc, Lewis Takes Action, le nom de la pièce. Et avant ça, on avait le projet suédois de Radio Depp, qui est une formation que je ne connaissais pas, bien qu'elle soit active depuis 1995. Et là, on a entendu le premier extrait d'un album qui va paraître en avril prochain, qui va s'appeler Clinging to a Shame. Très beau nom. Ouais, mais je sais pas, hein, clinging. Clinging to a shame. Clinging. Clinging. T'es bon en anglais? Ah. Mais moi, j'ai un petit peu de confusion parfois à prononcer bien les mots. Donc, c'était un nouveau bloc, en fait, des découvertes de la semaine et nouveautés. On en aura d'autres à venir. Donc, de ton côté, Rémi, est-ce que tu veux lancer... En fait, je vais lancer quelques invitations. Je vais essayer de prendre cette habitude-là avec C'est fou, peut-être même partir à ma propre émission ici même. Je voudrais parler un peu de qu'est-ce qu'il y a à faire à Trois-Rivières. Puis ce soir, lundi 8 février, la Ligue universitaire d'impro de Trois-Rivières, donc qui performe tous les lundis soirs à la Chasse-Galerie, le café-galerie de l'UQTR sur le campus. À la Chasse-Galerie, à 19h30, c'est gratuit, contribution volontaire acceptée. Alors, c'est une ligue d'impro, puis ensuite, c'est une belle soirée aussi qui se passe à la Chasse-Galerie. C'est mon invitation pour ce soir, tandis que pour demain soir, j'ai plusieurs coups de cœur, puis je ne sais pas trop comment vous conseiller, parce qu'en fait, il y a Kino 3R, donc les présentations de films amateurs, des projections de courts-métrages à la galerie L'Appart sur la rue Saint-Antoine au centre-ville de Trois-Rivières à 19h30. Et ça aussi, c'est gratuit. Contribution volontaire acceptée. Quand il m'en fout, qui est en spectacle au Gambrinus demain pour les mardis du Gambrinus, de 21h. Et c'est 20$ pour un billet pour aller voir Quand il m'en fout au Gambrinus. Demain soir, toujours mardi 9 février, Cocktail Molotov en spectacle au Charlot. Dès 20h, Cocktail Molotov qui font une espèce de jazz fusion... Intéressant, assez rock un peu. Puis Sacré-Cœur, une pièce d'Alexis Martin et Alain Vadeboncœur, mise en scène par Alexis Martin, qui est en spectacle à la salle Thompson dès 20h. Tout ça, demain soir, mardi 2 février. Alors, Kino 3R, Quand il m'en fout, Cocktail Molotov ou Sacré-Cœur, vous avez de quoi avoir un bon mardi soir, je pense. Et là, est-ce que toi, t'as fait ton choix déjà? Ou... Eh bien, moi, je ne pourrais pas être à aucune de ces activités que je vous conseille parce que je serai en général de théâtre pour la pièce de théâtre qui commence très bientôt. La pièce de Jacques et son maître avec le Théâtre des gens de la place à la Maison de la culture dès jeudi soir. Mais c'est intéressant, quand ils m'en foutent, ce qui est agréable quand même, c'est que si on ne peut pas aller les voir demain, ils reviennent assez souvent quand même. Je veux dire, ils ont une bonne fréquence. Je dirais, aux 2-3 mois, ils viennent faire un spectacle à Trois-Rivières. Oui, en fait, ben, c'est un groupe montréalais principalement maintenant. Mais ils viennent d'ici, mais, je pense. En fait, hein, Isabelle Blais, qui est la voix du groupe, elle est d'origine trifluvienne. Puis j'imagine qu'il y a un petit sentiment avec ce port d'attache trifluvien. On les voit souvent à Trois-Rivières, puis toujours content de les voir. J'ai bien aimé les 2-3 fois où j'ai la chance de les voir devant moi. Donc, c'est sûr qu'on a un bon public, c'est intéressant de revenir, voir le public. Sophie, est-ce qu'on continue en musique? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Oui, ben j'avais un autre bloc là. On va se tourner du côté francophone avec 3 formations, 2 qui sont plus émergentes, une qui s'annonce, qui nous annonce un album pour l'année. On va l'entendre. Est-ce que tu as entendu Mono Grenade? Pas encore. Non, c'est un groupe montréalais, puis c'est vraiment bien ce qu'ils font. Je vous dirais que c'est dans la vague de groupes comme, mettons, comment je pourrais dire, un peu électroacoustique. Là. Il y a une petite vague. Il y a Onomatops aussi qui s'en vient avec un album prochainement qui peut avoir certaines sonorités à la Mono Grenade. Donc, on va l'entendre, la pièce, de toute façon, de leur mini-album La saveur des fruits. Donc, tu dis mini-album parce que c'est un court album. Oui, mais ils nomment eux-mêmes EP. Donc, souvent, voilà. Il y a à peu près 8 pièces. Donc, on considère qu'un album complet aujourd'hui, c'est 10-12 pièces. Moi, je pense que ça pourrait être un album quand même parce que 8 pièces, c'est plus que 5, mettons. Souvent, les EP, les early productions, sont 2-3 pièces, 4-5 pièces, pas plus. Oui, exact. Mais lui, il y en a 8. Donc, c'est comme un mini-long album. Mais merci. J'ai bien hâte d'entendre. Alors, on entend ça tout de suite sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Yeah. vieux, mais les saisons passent, le monde se tasse, le peu qui excite attire l'émotion de vieux pain qu'on fait rire, une tranche de vie, un peu maudit, que tu gardes en taille, que tu sors pas, que tu gardes en taille, que tu sors pas, toutes les pilules dans tes bouteilles qui tiennent au chaud, qui te réveillent, qui oublient d'endormir ton cœur, qui oublie d'éteindre les voix qui disent quoi faire. Retour à l'hôpital, on va t'en prescrire. C'était la formation Major Bidet, mais qui est maintenant rendue sous le nom de Major, tout simplement. La pièce qu'on a entendue s'appelle « Les mouches » tirées de leur album « La vie qui fit avec la tapisserie ». J'aime beaucoup ce nom d'album-là. « La vie qui fit avec la tapisserie ». Oui, je trouve que c'est une belle critique, mais c'est subtil. Quand même. Oui. Et avant ça, on avait... qu'est-ce que je voulais dire? Major Bidet, qui s'appelle maintenant Major, a annoncé, mais en fait, s'inscrit sur leur MySpace, qui sont présentement en studio et un album à venir pour 2010, cette formation sorelloise-montréalaise. Sorelloise-montréalaise, donc ouais. Ils ont déménagé ou il y a des membres du groupe qui viennent des deux villes? Bien, je pense qu'ils sont d'origine sorelloise. Mais maintenant installés à Montréal. Maintenant installés à Montréal, mais je pourrais pas dire, peut-être qu'il y a encore des membres qui sont sorellois à part entière. Ça se peut. J'aime beaucoup le mot sorellois. Moi aussi. C'est pour ça que je le dis. Plein de fois. Sorellois. D'origine sorelloise. Ça, c'est à Sorel, hein? Pour ceux qui ne savent pas, tu sais, tu prends le traversier, entre Berthier. Puis Sorel. Puis Sorel. Puis là, tu vas à Berthier ou à Sorel. Donc, c'est ça. Major. Major. Major de cour. Avant ça, on avait Jésus les filles. Ça, c'est un autre drôle de nom de groupe. J'aime beaucoup ça aussi. Jésus les filles avec la pièce Mercredi d'un album qui est à venir. Donc, toujours pas de nom d'album aux dernières nouvelles de ce que j'ai lu. C'est à venir. Et avant, on avait Mono Grenade avec la pièce de toute façon de leur mini-album, leur mini-long album, La saveur des fruits, qui est paru en 2009. Un excellent groupe que j'aime bien. On a reçu leur disque assez fou la semaine dernière. Et ils sont déjà au palmarès avec la pièce Ce soir. Et vous pouvez aller voir le vidéoclip de cette pièce-là qui est très bien fait. J'ai bien apprécié cette écoute. Le vidéoclip qu'il a trouvé sur Internet, simplement? Oui, en entrant dans Google ou autre moteur de recherche, Mono Grenade, Ce soir, vous allez le trouver, c'est sûr. Mono Grenade. Mono Grenade. On enchaîne avec une publicité, je pense. Hein? Voilà, en pub, j'étais en train d'oublier notre publicité. Et au retour, on va tout de suite enchaîner avec une prochaine chronique culturelle de Rémi Francœur qui est avec nous. Toujours là. Oui. Toujours là. Alors, on va passer à quelle chronique dans la prochaine chronique? On parlait de mercredi, le 10 février. Quoi faire mercredi soir? Alors, je vous laisse en haleine. Hey, mercredi, comme la chanson de Jésus les filles qu'on vient d'entendre. Et voilà. On est concept, on a essayé de faire des liens, alors c'est fait. On s'en va en pub et on revient. C'est fou, comme à la zine. 89. De retour à l'émission musicale, Chérie m'écoute-tu, aujourd'hui en compagnie de Sophie Laforêt et Rémi Francœur, qui nous annonce la prochaine chronique culturelle pour mercredi. Mercredi soir, cette semaine, le 10 février, plusieurs spectacles à travers la ville de Trois-Rivières et les environs. Je vous invite entre autres à aller passer à l'Embuscade voir Two Green Cats. Two Green Cats est un groupe de Drummondville qui en sont présentement encore en travail studio et qui nous promettent un album pour cette année. À l'Embuscade, 22h, Two Green Cats, un groupe de rock, un ancien band de garage qui cherche du Led Zepp un peu plus rock, un peu plus smooth. C'est à écouter. Ensuite, mercredi soir, pour les amateurs de musique plus classique, le mercredi du conservatoire à 19h, donc tous les mercredis, le conservatoire de musique de Trois-Rivières vous invite en fait à aller les écouter et voir des petites soirées. Il y a une soirée, c'est à la salle Armanda Santiago à 19h au conservatoire lui-même au centre-ville de Trois-Rivières. Sinon, pour les amateurs de jazz, mercredi soir, c'est les mercredis jazz au Charlot avec Frank Boutin, un trompettiste et ses invités. C'est à ne pas manquer vers 21h. Et sinon, Julie Hamelin lance son album à 17h au Rouge Vin au centre-ville de Trois-Rivières. Donc Julie Hamelin a un lancement d'album au Rouge Vin à 17h ce mercredi 10 février. Alors, ce sont mes conseils sortis pour mercredi soir cette semaine. Moi, j'avais une question, Rémi. Est-ce que tu as déjà vu Two Green Cats en spectacle? J'ai jamais vu Two Green Cats encore, non. J'aurais aimé, mais en fait, j'ai simplement, comme bien des gens, je suis allé m'informer. Je pense qu'il y a un article dans Le Voir cette semaine aussi. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus à leur sujet. Puis sinon, si vous voulez vraiment en savoir un peu plus, allez les voir mercredi soir directement. Mais oui, non, c'est bon parce que j'avais jamais entendu le nom du groupe. Je me demandais s'ils étaient déjà venus à Trois-Rivières ou... Si c'était vraiment un groupe qui commençait... En fait, ils ont déjà enregistré un premier démo qui, ce qui paraît pas assez encore à leur goût, mais ils travaillent probablement sur un album eux-mêmes, donc ils enregistrent en studio, travaillent derrière la console et tranquillement. Puis c'est un groupe qui vient de Drummondville, qui ont fait plusieurs spectacles à travers le Québec en entier déjà. Super, bon, mais mercredi, je me mets ça à l'horaire. Si j'ai un petit lousse, comme on dit, je vais aller voir ça, Two Green Cats. Et on va se tourner en musique avec un bloc là, qui va être un peu plus énergique qu'un bloc électro. J'ai ressorti des groupes des Boulamites un peu parce que souvent, on sait des fois dans le monde de la musique, il y a comme quelque chose qui est en bon français dans la hype, si on veut. Mais c'est pas ça le nom, là, mais sous les projecteurs pendant un moment. Un groupe en vague. Bon, on les oublie un peu, donc là j'ai ressorti des groupes électro qui faisaient dans le funk un peu que j'aimais bien. On va l'entendre Ratatat. Oui. C'est un excellent groupe. Après, on va l'entendre MGMT. Définitivement. Et finalement, Patient Pit, qui est peut-être un groupe un peu moins connu que les deux précédents, mais si vous aimez la vague, justement, ça va être dans la vague. Alors, on écoute ça? Tout de suite, sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Yeah. Yeah. sur ces belles notes. C'était la formation Patient Pit, formation du Massachusetts, avec la pièce Sleepyhead, tirée de leur premier et plus récent album Manners, formation qui a surgi en 2009 et qui a été vraiment appréciée par... qui a reçu d'excellentes critiques, si on veut, parce que justement, c'est un excellent projet. Et avant ça, on avait deux autres duos. Ça, Patient Pit, c'est une formation plutôt là, composée... de 4 ou 5 membres. Mais avant ça, on avait deux duos new-yorkais. On a entendu MGMT, qui était connu avant sous le nom de Management. Donc, ils ont gardé les lettres principales de ce mot. Management, avec Time to Pretend, tiré de leur premier album Oracular Specular, qui est dur à prononcer aussi quand on est anglophone comme moi. Oracular Specular. Ah, t'es bon. Oracular Specular, qui est paru en 2007. C'est juste, il faut que j'aille confiance. Je pense que c'est une question de confiance quand on le dit. Puis un album qui est attendu pour 2010, Congratulations, qui est attendu pour 2010. Il n'y a pas de mois encore. Donc, pour cette formation qui fait dans l'électro-funk... contemporain. Contemporain. Oui, c'est beau ça, contemporain. Et dans la même vague, on avait Ratatat avant ça, formation aussi de New York, qui est dans... dans les mêmes sonorités, la pièce qu'on a entendue s'appelle Wild Cat. Donc, on entendait les rugissements. Là. Moi, j'adore ça. Tiré de leur album Classics, qui est paru en 2006. Et c'était leur troisième album qui a connu un immense succès aussi. Et leur album paraît sur l'étiquette XL Recordings. Merci, Sophie. On va continuer un peu avec quoi faire cette semaine et on se déplace vers jusqu'à jeudi soir. Jeudi soir, le 11 février, j'ai deux suggestions, une à Trois-Rivières. Je me permets de me plugger un peu. Jacques et son maître, qui est une pièce de théâtre de Milan Kundera, qui est présentée à la Maison de la Culture, à la salle Annès Allard Rousseau. C'est-à-dire, en fait, Jacques et son maître est une pièce avec le théâtre des gens de la place, mise en scène par Eric Ahern, une pièce de théâtre qui... dans laquelle je joue, qui parle un peu, en fait, du coquifiage, mais c'est une pièce qui est à l'origine l'histoire de Jacques le fataliste de Diderot, qui a été repris par Milan Kundera, qui est un tchèque maintenant parisien. Et Kundera est un contemporain qui vient d'aujourd'hui. Puis en fait, c'est une pièce qui parle beaucoup de comment tromper un ami, mais en même temps, qui fait voir les fatalités de la vie, puis l'évolution de Jacques et son maître qui se déplacent et qui racontent leurs histoires. C'est un rendez-vous, 15$ étudiants, 2$ pour les non-étudiants. Alors, Jacques et son maître à la salle Annès Allard Rousseau, le 11, 12, 13 février. Sinon, je m'excuse d'interrompre, oui, c'est quoi la durée à peu près de la pièce? C'est une pièce d'une heure et demie sans entracte, alors c'est un bon spectacle, un bon bloc. Okay. Puis vous allez pouvoir voir plusieurs comédiens amateurs et professionnels de Trois-Rivières dans cette pièce. Sinon, jeudi soir, les gens vont se déplacer plutôt vers Shawinigan. Je vous invite à aller au salon Bière et Vin, qui est à l'espace Shawinigan, donc l'ancienne Abitibi Consolidated, qui est transformée maintenant en espèce de grande salle de réception. Et c'est un salon Bière et Vin où, entre autres, on va pouvoir trouver des... microbrasserie de la région à l'affût de Saint-Tite ou même le Trou du Diable de Shawinigan, qui est bien aimé de plusieurs zucutériens. Sinon, on se déplace jusqu'à vendredi. Vendredi, le 12 février, encore une fois, Jacques et son maître à la salle Annès Allard Rousseau de la Maison de la Culture. Sinon, il y a le symposium de sculpture à Shawinigan qui sera toute la fin de semaine sur la rue Willow, juste devant le Trou du Diable. Donc, le temps de prendre une bonne bière, plusieurs événements. Et entre autres, on va avoir en spectacle les frères Lemay qui vont être là durant la fin de semaine. Frères Lemay, une formation de Shawinigan aussi. Et vendredi soir, le 12 février, je vous invite sinon à passer à Trois-Rivières, à la Galerie d'art L'Appart. Il y a une soirée spécialement pour ramasser des fonds pour Haïti. Alors, c'est une bonne cause. Et en même temps, un très bon spectacle. C'est la soirée Slam Poésie, donc les habitudes du Slam Poésie du dernier mercredi du mois à l'Embuscade. Mike McNeil et son groupe d'invités se déplacent pour faire de la poésie, du texte et beaucoup de parlottes à la Galerie d'art L'Appart. C'est 5$ et tous les fonds vont aller directement pour le comité salarié de Trois-Rivières qui va investir ça en Haïti directement. C'est vraiment une bonne façon de donner à Haïti. Et en même temps d'avoir une belle soirée vendredi soir. Oui, c'est pour ça que je disais ça, c'est que finalement on a l'impression de se gâter plus qu'autre chose, mais il y a des gens qui vont en retirer des bénéfices. On a soit de faire un don chez Métro quand on fait notre épicerie, ou sinon d'aller voir un bon spectacle. Oui, moi je trouve ça plus le fun, le spectacle. Et on va l'entendre encore une fois une courte publicité. Au retour, on revient en musique, notamment avec Francis d'Octobre, qui est un artiste qui va être de passage à Trois-Rivières prochainement. Donc on s'en reparle tout de suite après la pause à l'émission. Chérie, m'écoutes-tu? Vous écoutez! C'est nous, 89 heures! de retour à l'émission musicale et culturelle pour aujourd'hui, Chérie m'écoute-tu, avec Sophie et Rémi Francœur. Et juste pour vous annoncer le prochain bloc qui va être francophone, on va entendre Francis D'Octobre, de son vrai nom Francis Roberge, avec la pièce « Âme sœur », qui est le premier extrait de son premier album aussi, qui s'appelle « Ma bête fragile ». Donc, il va être de passage le 23 février prochain au Gambrinus, au coût de 6 $, pas très cher, à 21 h. Et donc, c'est un artiste, moi, que j'aime beaucoup, qui fait dans la pop folk, mais comment je présente ça? C'est un côté pop qui est recherché. Je trouve pas qu'il est allé dans des avenues simplistes non plus. C'est vraiment intéressant ce qu'il fait. Et ensuite, on va entendre Dumas avec un extrait de son plus récent album « Trace ». On va entendre la pièce « Le bonheur ». Et finalement, Madame Gainsbourg, Charlotte Gainsbourg. Oui. Est-ce que tu as eu la chance d'entendre son dernier album? Pas très, très bon album. Je l'ai écouté plus d'une fois. Ça roule dans toutes mes machines musicales à la maison. Puis j'en suis bien content. Oui, un bon album. T'aimes Beck aussi? Est-ce que t'aimes Beck? J'aime beaucoup Beck. Puis ouais. Il y a une belle... belle complicité de son, c'est merveilleux. J'aime beaucoup, ouais. Beaucoup l'album de Charlotte Gainsbourg. On reconnaît beaucoup Beck. Moi, je pense que si on aime Beck, on aime l'album, mais en même temps, ça n'empêche pas les gens qui ne connaissent pas Beck, justement, peut-être de le découvrir grâce à Charlotte. Qui a repris aussi une pièce de Jean-Pierre Ferland, pour ceux que ça intéresse aussi. Là, ah, le, je savais pas. Le chat du Café des artistes. Donc, elle a deux pièces francophones sur l'album, qui est une pièce originalement de Jean-Pierre Ferland. Donc, tout un honneur. Puis là, j'avais entendu dire qu'au début, Jean-Pierre Ferland, je pense pas que c'est lui qui l'avait offert, mais en fait, ça avait été proposé à Beck au départ de reprendre cette pièce-là. Puis Beck avait pas été très à l'aise avec l'idée, fait qu'il avait gardé ça en banque. Puis en faisant l'album avec Charlotte Gainsbourg, ben Beck a proposé à Charlotte de l'affaire. En tout cas, quelque chose comme ça, là, l'histoire ressemble à ça. Qu'est-ce qu'on va écouter de Charlotte Gainsbourg? On va entendre la pièce « Le voyage ». J'ai choisi une pièce francophone de cet album. On écoute ça? Oui, donc Francis D'Octobre, tout d'abord, avec la pièce « Âme sœur » à l'émission « Chérie, m'écoutes-tu » sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. J'attends le train, j'attends ce train qui m'emmènera croire en d'autres.

c'était Dumas avec la pièce Le Bonheur sur cette belle distorsion de son plus récent album Trace, qui est vraiment un bon album. Là, je sais que Dumas, souvent, ça fait écho là, dans notre tête à musique populaire. Mais non, moi, Dumas, j'ai pas honte de dire que je l'aime encore. Puis même s'il est populaire, ben regarde. C'est populaire, puis j'aime ça. Mais si c'est populaire, c'est que ça pogne. Si ça pogne, c'est que c'est bon, généralement, de toute façon. C'est... Ouais. Ça dépend toujours, mais... Ouais. Mais tu sais, il y a de la bonne pop. Tu sais, c'est souvent quand on dit pop, on a l'impression que c'est... soit, je veux pas nommer rien, là, mais trop facile ou que c'est pas assez facile, réfléchi. Ou du déjà entendu, mais dis-moi non. Puis j'ai eu la chance d'aller le voir en spectacle vendredi, le 29 janvier, donc il y a deux semaines, dans le cadre de Joliette en chanson. Oui. Qui est un événement, je dirais pas un festival, parce qu'il y a pas vraiment des festivités là, en tout temps. C'est une programmation qui est particulière. Puis cette année, l'accent avait été mis sur des artistes... connus, mais peut-être un peu méconnus du grand public. C'est qu'on les connaît, mais c'est pas non plus là, des figures, là, comment je pourrais dire, mettons Jean Leloup. Bon, là, vraiment, on connaît Jean Leloup. Mais si je te parle d'Antoine Graton... On sait le nom, mais on sait pas trop c'est qui. Ouais, c'est à découvrir ou à redécouvrir un peu. Oui, c'est exactement les mots des organisateurs, donc à découvrir ou redécouvrir. Puis, en plus, cette année, il y avait l'événement, ou plutôt le forfait ridicule qui a été lancé un peu avant les fêtes de début décembre jusqu'au 18 décembre. Donc, c'est à surveiller l'année prochaine. J'ai l'impression qu'ils vont renouveler cette offre-là. Moi, j'ai eu la chance de saisir l'offre, puis c'était pour 37 $ 7 spectacles. Donc, ça revenait à 6 $ le spectacle. 37 $ 7 spectacles. Pour 7 spectacles. Donc, il y avait là-dedans... tu sais, c'est sûr qu'en même temps, ça se peut que dans la programmation, il y a des choses qui étaient un peu moins attirantes, mais dans le fond, dès que tu allais voir deux spectacles, tu venais de vraiment récupérer le montant... du billet, moi, j'ai vu Marat Tremblay, Dumas et Antoine Graton dans la programmation parce que c'est sûr qu'il y a des spectacles, c'était le jeudi soir, donc c'est un peu moins évident, comme je suis étudiante ici, de me déplacer un soir puis de revenir. Donc, la programmation, il y avait Marat Tremblay, Dumas, Antoine Graton, Caracol, Xavier Caféine, Madame Moustache et j'en oublie un. Donc, je sais pas c'est qui l'autre que j'oublie. Mais en tout cas, c'était une belle programmation. Tout ça pour dire qu'il a donné vraiment un bon spectacle. C'était la deuxième fois que je le voyais. Puis, un artiste qui est vraiment à l'aise sur scène, puis qui utilise la scène, puis qui a vraiment un beau contact avec le public. Donc. Du moins, reconnu pour savoir faire lever une foule et puis s'amuser avec eux. Puis. Mais tant mieux, je suis triste d'avoir manqué ça. Mais oui, mais écoute, c'est à suivre. Là, probablement qu'il doit venir en Trois-Rivières. J'ai pas vérifié sa tournée, mais ça m'étonnerait pas. Puis sinon, si on revient à notre bloc musical, avant ça, on avait dans le bloc, ce bloc francophone, Charlotte Gainsbourg avec la pièce Voyage, tirée de son plus récent album IRM. Et Charlotte Gainsbourg avait une date à Montréal, à l'Olympia, le 26 janvier dernier. Puis le spectacle avait été déplacé, donc on avait annoncé que la date changerait, mais elle a toujours pas été annoncée, cette nouvelle date-là. Donc il y a des gens qui ont des billets marqués 26 janvier, mais le spectacle a pas lieu, mais on sait pas encore ça va être quand. Elle a eu un problème de gestion de tournée, donc c'est à suivre pour ceux qui ont eu la chance d'avoir un billet. Moi, j'ai pas eu cette chance-là. Et au début du bloc, Francis d'Octobre avec la pièce « Âme sœur » tirée de son premier album « Ma bête fragile » et il va être au Gambrinus le 23 février prochain à 21h au modique coût de 6$. Je connaissais pas du tout Francis d'Octobre, puis je suis très épaté d'avoir entendu ça. J'ai l'intention d'aller passer au Gambrinus ce 23 février. J'y serai aussi, on va se voir. Bon spectacle, je suis sûre. Je vais continuer un peu. En fait, samedi, je vous réinvite une fois de plus à Shawinigan pour voir la symposium de sculpture sur glace, en espérant que la température soit de leur côté, sur la rue Willow à Shawinigan. Donc, c'est tout près du Trou du Diable pour les amateurs de bonne bière. Et en même temps, les frères Lemay seront en spectacle, je crois samedi d'ailleurs. Et sinon, je vous invite à aller passer au cinéma. On a un film qui... les critiques sont encore assez bonnes pour l'instant, les 7 jours du Talion. Alors, on sait très bien, on a vu passer dans les nouvelles et un peu partout une reprise, en fait, d'un livre de Patrick Sénécal sur grand écran. Puis, c'est à surveiller. On a une belle interprétation de Claude Legault dans ce film. Alors, je pense que samedi soir, ce serait sûrement une belle soirée en amoureux, aller voir un petit film d'horreur, se coller, puis s'aimer. Puis sinon, évidemment, mais le lendemain 14 février, toujours passé à Shawinigan dans le symposium de sculpture qui est le vendredi, samedi et dimanche. Sinon, dimanche 14 février, c'est la Ligue d'impro mauricienne qui, tous les dimanches, performe à la salle Louis-Philippe Poisson de la Maison de la Culture de Trois-Rivières. Alors, je vous invite à fêter la Saint-Valentin avec un peu d'impro, puis finir par une bonne bière ou un bon verre entre amis. Ça, c'est comme l'option plus légère que le cinéma. En fait, c'est ça. Pour la Saint-Valentin, on a le choix soit de rire un peu. Ou... Ben, en fait, c'est sûr qu'au cinéma, il y a d'autres films, mais si, tant qu'à aller au cinéma, je pense que le 7 jours du Talion serait une option à vérifier, étant donné que c'est un bon film québécois. Puis, on dit que Claude Legault offre une bonne performance aussi. Définitivement. Donc, c'est à voir. Je vais sûrement aller le voir, là, peut-être pas prochainement, mais avant qu'il soit plus en salle. Donc, c'est toujours plus le fun aussi, ce genre de film-là, au cinéma, où on entre plus dans l'ambiance que dans son salon. On peut avoir peur en groupe. Oui, c'est ça, c'est donc mais le fun. Est-ce qu'on retourne en musique ou tu avais autre chose pour nous? Ben, je voudrais inviter les gens à surveiller les événements qui s'en viennent. On a parlé Francis d'Octobre le 23 février, le mardi au Gambrinus. Mais le mardi 16 février, donc mardi de la semaine prochaine, c'est Harry Manx qui est au Gambrinus. Harry Manx que Sophie ne connaissait pas. Je suis épaté d'avoir réussi à surprendre Sophie avec un musicien talentueux. Harry Manx fait du blues, de la slide guitar, a souvent beaucoup d'accompagnement un peu indien dans ce qu'il va faire, puis maintenant plusieurs albums, au moins 4 ou 5 albums différents, quelques belles collaborations, et il est à Trois-Rivières pour une deuxième fois cette année, mais en fait première fois cette année, il était à Trois-Rivières au mois d'août, toujours au Gambrinus, puis il revient maintenant mardi 16 février, mardi prochain. Sinon, le 18 février, jeudi 18 février, à Saint-Loup-Philippe-Poisson, Marie-Pierre Arthur vient nous faire un petit bonjour pour un spectacle avec Kevin Thompson en première partie. Alors, les gens qui ont pas eu la chance de voir Marie-Pierre Arthur encore à Trois-Rivières, c'est excellent, c'est merveilleux, et sublime, super charmante sur scène, puis donne toujours un excellent spectacle. Donc, c'est à surveiller le jeudi 18 février, jeudi prochain, la semaine prochaine, à 20h, à Saint-Loup-Philippe-Poisson, avec Kevin Thompson en première partie. Et finalement, je vous invite le 20 février, un peu plus tard, c'est à Shawinigan. Le groupe Madcaps va lancer son album Juice au trou du diable. Alors, une bonne bière, un bon spectacle. Madcaps, le 20 février, à Shawinigan. Et je voulais juste te dire que moi, je seconde ton avis pour Marie-Pierre Arthur, que j'ai eu la chance aussi de voir une fois dans le cadre de M pour Montréal. Mais c'était une programmation qui était complétée par diverses formations. Marie-Pierre Arthur a fait 4 ou 5 pièces. Puis ça m'a vraiment, vraiment donné le goût d'aller la voir en spectacle complet, si on peut dire ça comme ça. Puis de mon côté, j'ai une autre proposition pour vous, mais bon, si vous voulez pas aller voir Marie-Pierre Arthur le 18 février, le BAC en communication sociale vous invite à un spectacle qui s'appelle « Comment dire » qui va avoir lieu au 10-12 Néré-Beauchemin de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Puis c'est pour encourager la délégation qui va se rendre à Moncton en mars pour les Jeux de la communication. Donc, c'est un spectacle de variété. Il y aura de la danse, du chant, de l'humour. Et ensuite, on a un DJ, donc DJ Omar, qui est un membre du BAC, qui va donc faire lever la foule, je l'espère, puis on va danser. Donc, une autre invitation au coût de 10 $. Si vous voulez des billets, adressez-vous à Sophie Laforêt, qui est moi-même. Vous pouvez me joindre par Facebook ou de toute autre façon. Vous pouvez aller sur mon blog aussi. Oui, je ne l'ai pas dit depuis le début de l'émission. Si vous voulez voir des vidéos ou des trucs complémentaires à l'émission, vous pouvez aller au www.sophieaimelamusique.blogspot.com et je mettrai sur le site notamment des liens pour ce qui est de l'émission de la semaine dernière. On avait un spécial Twee-pop qui est un style de musique aux sonorités rétro. Donc là, j'ai fait la liste des sites que je voulais vous proposer. Je vais mettre ça en ligne très prochainement si vous voulez aller voir ce blog. www.sophieaimelamusique.blogspot.com. Oui, exactement. C'est pas très compliqué de s'en rappeler. Donc, de notre côté, on va aller écouter encore un bloc musical avant d'aller en pause. On va entendre une pièce du nouvel album de Vampire Weekend. Je sais oui, pas si tu connais. Oui, oui. Donc, leur album Contrat est paru très récemment, je crois, le 26 janvier, si je ne m'abuse. Non, le 12 plutôt. Et on va entendre la pièce qui s'appelle White Sky. Donc, tout de suite à l'émission. Chérie, m'écoutes-tu? Avec Sophie Laforêt et Rémi Francoeur sur les ondes de 89.1 FM. An ancient business, a modern piece of glasswork. Down on the corner that you walk each day in passing. The elderly sales clerk won't ask with suspicion. The whole of motor corporation's giving its permission. Once. houses, people who might own it, the sins of pride and envy. Then on the second floor, the Richard Serra skit pop. You waited since lunch, it all comes to one. Love by accident, a heavenly coincidence. No matter what you think is true, let me introduce you to. Can't figure out this place. Guess someone hates my guts. I handed him a sign. Oh, friend of mine. She's crying in your head, don't let her world explode. Sees you like a prince, take a chance and play the game. Free. C'était Emily Klepper avec la pièce Free She Will Go, tirée de l'album Things May Come. Et Emily Klepper, que j'ai découvert à Trois-Rivières, j'avais reçu des billets pour aller la voir à la Maison de la Culture et c'était vraiment, vraiment un très, très bon spectacle. Pour ceux qui aiment le folk, là, puis ce qu'on a entendu, puis c'est vraiment une... Je suis pas mal sûre qu'on va entendre parler d'elle là, de plus en plus parce qu'elle a vraiment un talent. J'ai vraiment aimé ça. Est-ce que tu connaissais Emily Klepper? J'avais déjà entendu un petit peu Emily Klepper, mais à chaque fois que je réécoute, je me dis qu'il faudrait que j'en trouve plus puis que je prenne le temps d'en écouter un peu plus parce que c'est définitivement délectable pour les oreilles. Oui, c'est bon. Elle a vraiment des influences là, un peu à la... voyons, j'oublie le nom. Gillian Welch, là, un peu Americana, folk... des années 70 peut-être, là, mais en tout cas, c'est très, très intéressant. Avant ça, on avait Adam Green avec la pièce Friends of Mine, qui est tirée de l'album du même nom, qui est paru en 2003. Et ça, c'est mon ami Théo qui m'a fait découvrir ça. On en discutait durant la pause, qui fait Adam Green dans l'anti-folk. Et moi, c'est un style musical que je ne connaissais pas. Et là, on m'a dit que dans le fond, l'anti-folk, c'était de faire du folk avec des textes un peu absurdes et un peu moins sensibles. Si on veut, le folk serait comme le emo de l'époque, donc où souvent les textes étaient très émotifs, puis on revient maintenant dans le fond dans un texte qui serait plus drôle, plus caricatural. Ouais, je pense que ça résumerait bien. En tout cas, si je me fie à ce que mon ami Théo m'a dit, c'est pas mal ça. Mais c'est intéressant, là, dans le fond, c'est juste que ce qu'il me disait, c'est qu'on écoute ça, mais on s'en rend pas compte, à moins vraiment d'apporter une attention particulière aux paroles. Sinon, on se dit, ah ben, c'est du folk, là, tu sais, c'est tranquille, mais c'est complètement absurde ce qu'il chante. Donc, vous pouvez aller lire les textes de Adam Green. Et avant, on avait la formation Vampire Weekend avec un extrait de leur nouvel album Contrat, qui est paru le 12 janvier dernier. On a entendu la pièce White Sky. Donc, une pièce légère et toujours fort sympathique, là. Vampire Weekend. Donc, on va juste se quitter le temps d'une courte pause et au retour, Rémi va faire un survol. Tu vas faire un survol? Je vais faire un petit survol des sorties pour la prochaine semaine. Alors, on revient tout de suite à Chérie M'écoute-tu. Sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. C'est fou, c'est fou, comme un balai. Sur les songes, tu sais la carte de mon cœur, les jeux qui te prolongent et la lumière chantée de ton âme, mon bel amour, navigateur et la lumière chantée. De ton âme, mon bel amour, navigateur. Qui ne devine ensemble tout le silence, les yeux poreux, ce qu'il nous faut traverser, le pied secret. Ce qu'il nous faut écouter, l'oreille comme un coquillage, dans quel pays du son bleu, amour et moi, dans l'octave du don, l'oreille comme un coquillage, dans quel pays du son bleu. Navigateur, mon bel amour, navigateur sur la jetée de la nuit, je saurai ma présente d'un vœu à l'azur ton mystère, déchiré d'un espace. Rouge gorge, mon bel amour, navigateur déchiré d'un espace rouge gorge. Mon bel amour navigateur déchiré d'un espace rouge gorge. Mon bel amour navigateur déchiré d'un espace rouge gorge. Mon bel amour navigateur. La route chante quand je m'en vais. Je fais trois pas, la route se tait. La route est noire à perte de vue. Je fais trois pas, la route n'est plus sur la marée haute. Je suis montée, la tête est pleine, mais le cœur n'a pas assez. Sur la marée haute, je suis montée. Figure de bois, le corps en brique, les yeux qui piquent, main de dentelle. Figure de bois, je fais trois pas et tu es. Je suis montée, la tête est pleine, mais le cœur n'a pas assez. Sur la marée haute, je suis montée. C'était notre bloc plus tranquille aujourd'hui à Chérie mes coups dessus, comme on aime faire découvrir de la musique variée et diversifiée, même si c'est des synonymes, ce que je viens de dire. Donc, ce qu'on a entendu, c'est Lassa de Sela avec la pièce La marée haute de son album, son deuxième album de Living Road qui est paru en 2003. Lassa de Sela qui, je dois le rappeler, est décédé le 1er janvier dernier et ce fut une grande perte pour la musique, la musique du monde. Je ne savais pas du tout. Oui, décédé le 1er janvier d'un cancer, des suites d'un cancer. Ah oui? Oui, donc elle était quand même jeune, 37 ans, ça fait mal. Là. En tout cas, moi, ça m'a fait de la peine quand même. C'est triste de savoir aussi qu'on n'aura pas d'autres pièces de sa part parce que c'était... Ouais, c'était super beau. Bon ce qu'elle faisait. Puis son dernier album, au moins, elle a fait paraître un album en 2009, je pense, l'année passée. Puis c'est juste que, bon, là, c'était un album entièrement en anglais. Moi, j'aimais bien son côté espagnol, qui est un côté que je connais un peu moins. Puis j'ai pas beaucoup d'artistes du monde dans ma collection chez moi. Puis elle en fait partie. Donc, c'était vraiment une artiste que j'appréciais particulièrement. Et avant ça, on avait Chloé Sainte-Marie, autre artiste très calme et mitigée. Je vous dirais qu'il n'y a pas beaucoup de gens, peut-être de ma génération, qui l'écoutent, mais on en discutait durant la pause. C'est quand même une artiste qui est intéressante. Mais qui a une belle volonté artistique aussi, qui apprend des beaux textes. Puis tout de même, une assez belle voix. On peut pas le cacher non plus. On l'aime quand même. Oui, on l'aime quand même. Je disais juste dans le fond que je l'avais vue une fois en spectacle, puis la moyenne d'âge n'était pas autour de 20 ans, disons. C'était plus autour de 60. Mettons. Mais tu faisais baisser la moyenne avec tes amis. Oui, c'est important ça, ouais, de faire baisser la moyenne d'âge. Et donc c'est ça, c'est ce qui conclut ce bloc. Puis Chloé Sainte-Marie était de passage à Trois-Rivières dans le cadre du dernier Festival de la poésie avec l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières. J'ai pas pu aller voir ça, mais j'imagine que c'est assez impressionnant aussi avec l'Orchestre symphonique d'entendre les textes qu'elle chante qui sont des poèmes principalement de Gaston Miron, mais également d'un autre poète québécois dont le nom m'échappe. Et la pièce qu'on a entendue s'appelle « Mon bel amour » tirée de son album « Parle-moi », qui est pas son plus récent album, car le plus récent album qu'elle a fait paraître s'appelle « Je sais que tu sais », qui est chanté dans une langue autochtone, mais je pourrais pas vous dire laquelle. Encore une fois, là, j'ai un petit blanc de mémoire qui est paru en 2009, mais tous les textes sont traduits en français aussi, donc c'est intéressant si vous voulez vous initier à la culture autochtone chantée. Si on passe en culture, culture à Trois-Rivières, un peu moins autochtone, la Ligue universitaire d'impro de Trois-Rivières, je vous rappelle, ce soir, lundi 8 février à 19h30 à la Chasse-Galerie sur le campus de l'UQTR. C'est gratuit et contribution volontaire acceptée, donc la Ligue d'impro universitaire a ses matchs tous les lundis à 19h30 à la Chasse-Galerie. Sinon, demain soir, mardi 9 février, je vous invite à passer à l'appart sur la rue Saint-Antoine au centre-ville de Trois-Rivières. Dès 19h30, ce sera les projections de films court-métrage amateur de Kino 3R. Donc, Kino 3R est une cellule du mouvement Kino qui est basée à Trois-Rivières et qui, tous les deuxièmes mardis de chaque mois, fait ses soirées de projection à l'appart Kino 3R, 19h30, demain soir, mardi 9 février. Quand il m'en fout aussi demain soir au Gambrinus, au coût de 20$ dès 21h, quand il m'en fout avec Isabelle Blais et toute son équipe, Détri Fluvien qui viennent souvent nous voir directement de Montréal, Cocktail Molotov, un jazz plus rock au Charlot à 20h demain mardi 9 février. Et sinon, Sacré-Cœur, une pièce de théâtre à la salle Thompson, mise en scène par Alexis Martin avec Alexis Martin et Alain Vadeboncoeur. Pour mercredi 10 février, je vous invite à passer à l'Embuscade, aller voir Two Green Cats, un vieux rock retravaillé, band de garage de 22h. Two Green Cats, une formation de Drummondville. Et finalement, je vous invite aussi à aller voir les mercredis jazz au Charlot. Si vous avez plus envie de jazz, allez voir Frank Goutin, trompettiste, avec ses invités. 5$ dès 21h au Charlot, mercredi 10 février. Une multitude de propositions. En tout cas, c'est vraiment intéressant parce que c'est dur aussi, comme tu mentionnais au début de l'émission, de tout le temps rester à l'affût de tout ce qui se passe. Puis on se rend compte finalement qu'on a l'embarras du choix. Et à tous les soirs, il y a tout le temps une ou deux ou trois propositions culturelles. Je me demande souvent si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, en fait, qu'on ait autant de choix, parce que souvent, on finit par dire non à quelque chose qui nous aurait intéressé. Même des fois, j'ai l'impression qu'il faudrait que je puisse me téléporter d'une salle à l'autre puis que j'ai deux, trois billets. Ça me coûterait cher, là. Mais tu sais, tu pourrais regarder un bout de spectacle, tu te déplaces, tu vas en voir un autre bout. Tu te fais une programmation de soirée, là. Mais bon, c'est ça, le budget en prendra un coup, mais au moins les choix sont là. Donc moi, je vous propose, est-ce qu'on avait conclu pour partie-là? On va l'entendre un court bloc de deux pièces musicales et on va revenir pour conclure l'émission. On va l'entendre, dans le fond, deux groupes qui vont être ensemble au Métropolis de Montréal le 3 avril prochain. C'est la formation, ou plutôt le projet musical suédois JJ. Donc ça s'écrit avec deux J, donc JJ. Tout simplement. Et c'est un projet qui est fort intéressant. On mélange plusieurs styles musicaux et ensuite, on va l'entendre The XX. Donc, c'est comme une thématique de lettres doubles, ce spectacle. JJ et XX. The XX, qui est une formation de l'Angleterre. Une nouvelle formation qui fait dans la musique assez planante. Donc, je vous laisse le soin de découvrir et on revient tout de suite à l'émission. Chérie, m'écoutes-tu sur les ondes de C'est fou 89.1 FM?

c'était la formation DXX avec la pièce VCR de leur album éponyme qui est paru en 2009. Un excellent album si vous aimez ce genre plus tranquille, plus planant. Puis avant, on avait JJ ou Gigi en français avec la pièce là, qui est très, très longue et que je n'ai pas sous les yeux, tirée de son album JJ No. 2. Et Rémi faisait remarquer la pochette de cet album. Ce sera à vérifier, on n'en parlera pas en ondes, mais... On pense que c'est une feuille de pote. On pense que c'est du cannabis, cette feuille-là. Oui, on pense. Mais en même temps, on se dit que c'est ça qui est drôle. C'est pas associé à un... C'est pas du reggae, là, au sens propre. Là, mais je veux pas dire que les gens qui font du reggae consomment du pote non plus. C'est pas ça que je veux dire. L'émission va, tirer à sa fin. On va laisser place à Kiwan et Mathieu pour Assemblage requis qui va commencer à 15h. Sinon, de mon côté, ben, lundi prochain, 15 février à 13h, je vous attends pour une autre édition de Chérie mes coutus. Et encore une fois, ça va être une émission sans thématique, donc avec des découvertes musicales que j'aurai faites durant la semaine. Et je voudrais remercier Rémi beaucoup aujourd'hui d'être venu. Ben, ça m'a fait plaisir. J'ai bien apprécié l'invitation. Puis en même temps, ben, je suis content de partager les activités à faire à Trois-Rivières. Puis j'ai l'impression que je vais revenir derrière ce micro-là quelques fois. Il est possible que je prenne ma propre émission avec une espèce de quoi faire à Trois-Rivières qui ressorte très bientôt. En tout cas, ça serait vraiment une très bonne nouvelle donc à surveiller une émission avec Rémi Francœur pour les propositions de sorties culturelles à Trois-Rivières prochainement sur les ondes de C'est fou. On va se quitter avec une dernière pièce. Et là, je vous propose, je ne sais pas toi si tu aimes cette formation, parce que c'est « On aime ou on n'aime pas », « Tricot machine ». Oui, je suis. Il faut pas que je le dise trop souvent en ondes parce qu'il y a des gens qui pourraient rire de moi en cachette. Mais oui, j'aime Tricot Machine et j'ai écouté. J'ai pas pleuré encore d'aucune de leurs chansons, mais j'ai bien souri, disons, à quelques-unes d'entre elles. OK, donc sans t'avoir touché au point de pleurer, hein, c'est beau. En plus, j'ai choisi une chanson qui aurait pu peut-être te faire pleurer, mais bon. Peut-être verras-tu une petite larme sur le coin de mon œil en studio. Mais on ne le dira pas en ondes. Non. Non. J'ai choisi une pièce de Tricot Machine parce qu'il y a un album qui est attendu pour mars, formation qui est originaire de Trois-Rivières. Donc, on va entendre la pièce Les Oreillons, tirée de leur album éponyme qui est paru il y a 2 ans, il me semble bien, il y a 2 ans. Oui, environ. Quelque chose comme ça. En tout cas, allez vérifier, puis on écoute cette chanson-là sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. La voix des aurores. La foi des clés dans le char. Le soir de la panne d'électricité. La foi au trou de la fée. Puis la première fois aussi. Tout long du trip en Gaspésie. Ça doit bien faire 100 fois que je me rends pas. Que je te le dis pas, mais je le pense pas moins pareil. Chaque fois que tu souris, chaque fois que t'es en maudit, chaque fois que tu me dis que je suis trop belle, encore hier dans la ruelle, dans le bus d'après-midi, il y a 2 minutes quand je t'ai dit bonne nuit, ça doit bien faire 100 fois que je me rends pas. Je te le dis pas.